Le maréchal Kim Jong-un a fait offrir des poissons aux citadins de Pyongyang. Le 21 décembre, les Pyongyangeois ont reçu des poissons pêchés par les entreprises halieutiques de l'armée populaire. Les organismes du parti et du pouvoir et les établissements commerciaux de la ville de Pyongyang ont tout fait pour que les bienfaits du général Kim Jong-il et du maréchal Kim Jong-un soient accordés à toutes les familles. Les hôpitaux de la ville de Pyongyang, comme l'hôpital complexe de la Croix-Rouge de Corée, la maternité de Pyongyang, l'hôpital Kim Man-yu, l'hôpital pour enfants Hong-yu et l'hôpital de premier secours de la ville de Pyongyang aussi ont reçu des poissons.